Salut tout le monde, ici Wiggraff. Coolman Skate. Et Dortan, de la gang de RéseauGamer.com. Vous écoutez C'est juste un autre podcast, avec vos trois animateurs, Luc Desormeaux, Annick Bélanger et Simon Lefebvre. Bonjour! On entend bien. Bienvenue. Bienvenue à tout le monde. On va faire le tirage aujourd'hui pour les prix de la collecte de fonds qu'on a eue pour le camp. Je vais commencer là, par le plat, là, mais il faut vraiment que je remercie du monde. Fait que je vais commencer par ça. Là. On va passer à travers ça, puis après ça, bien, on va faire des heureux, puis malheureusement des moins heureux. Ceux qui ne gagneront pas, je sais vous allez être déçus, mais j'aimerais ça peut-être vous donner quelque chose, mais c'est impossible. C'est un câlin. C'est un câlin. Un câlin, si vous voulez. Si vous passez dans le coin Saint-Zotique, appelez-moi, puis je vous ferai un câlin. Ah, une grosse boule d'amour. Fait que, premièrement, j'aimerais remercier Eidos Montréal, Stéphane Dastou, David Anfossi. Stéphane Dastou qui a passé un bon 45 minutes avec moi pour faire signer le jeu. Qu'on va faire tirer aujourd'hui, là, puis me faire rencontrer tout le monde qui va travailler sur le jeu ou presque. J'aimerais aussi remercier Denis Talbot, qui a pris le temps aussi de signer le jeu, puis qui m'a même invité au show pour pouvoir promouvoir la chose. En TV! En TV! Hey. Patrick Langlois, de Musique Plus, et Simple Plan, puis Warner Music Montréal, qui ont fourni l'album, puis le poster qu'on va aussi faire tirer aujourd'hui. GameStop Canada, puis Arnaud qui roule le compte Twitter de GameStop, qui a donné Guitar Hero, puis qui a donné le jeu Infamous 2, qu'on va aussi faire tirer aujourd'hui, dans un des prix. Stereo Plus d'Amos, avec l'aide de Steve Lévesque, qui roule la console aussi aujourd'hui pour nous autres, qui a eu un T-shirt de Dead Rising 2, qui va aller aussi dans un des prix. On va vous expliquer les prix là, à mesure qu'on va les faire tirer. Puis Steve a des photos à vous montrer sur Ustream. Si vous regardez, là, vous allez voir la photo des prix qu'on fait tirer. J'aimerais remercier aussi, il y a Cote Grégoire là, ou Range Due sur Twitter qui nous a donné la copie d'Alan Wake. Je suis désolé, j'ai oublié de te mentionner hier sur le Weekend des Gamers quand que j'ai parlé des prix qu'on avait. Mais je te mentionne aujourd'hui. Fait que merci beaucoup pour la copie d'Alan Wake. Dominique Simard, Dart Sim de Mike Gamer, pour les cartes de points qu'il a donné. On a une carte de 20$ de PSN, puis une carte de 2800 points d'Xbox Live. Max Tremblay, Mélanie Boutin-Chartier de l'Épée Légendaire, qui ont publicisé aussi un peu la levée de fonds, la collecte de fonds. Aussi la gang de Mike Gamer, qui m'a reçu quelques fois sur le podcast pour ça. Frank the Tank, François Lapierre-Messier puis Benoît Gagnon d'Analyse des Geeks qui m'ont mis en contact avec des gens pour avoir des prix. Ian Richards aussi qui nous a aidé là-dedans. Steve Lévesque qui est à l'autre bout du fil qui puis à Amos à plusieurs heures de chez nous qui roule le feed. Merci Steve. Mon chum Twitter Guylain Pelletier qui s'est forcé à tous les matins pour retweeter et rebloguer le fait que je faisais une collecte de fonds. Seawolf222 sur Twitter. Merci. Puis Steve Degary qui s'est déplacé de la rue d'à côté pour faire son Samson Belair de L'eau et touche. Je t'ai soufflé. Il était soufflé. Qui a joué à NHL, pas contre sa blonde aujourd'hui. Puis, On n'en parle pas. On n'en parle pas, OK. Puis tout le monde qui a donné de l'argent pour ça, je vous remercie beaucoup d'avoir cru au projet puis d'avoir pris de votre temps et de votre argent pour le donner pour le camp. Craignez pas, quand je vais avoir la preuve que le montant a été donné à Leucan, je vais la poster pour que vous puissiez l'avoir pour avoir une preuve que ça a été fait. Je vous remercie beaucoup parce que le montant qu'on a amassé allait jusqu'à ce matin, on a ramassé 715$. Merci beaucoup. Wow. Fait que c'est plus que j'aurais cru recevoir. Je m'attendais pas à me rendre vraiment à 500$. Puis on s'est rendu à 715. Là. Merci à tout le monde. Je sais que le show d'hier sur le Weekend des Gamers, ça a beaucoup aidé. Parce que dans la soirée d'hier, c'est soit que c'était un add-on, soit vraiment qu'il y avait du monde qui écoutait, qui ont décidé de donner. Parce que j'ai eu comme 50 piastres de dons dans la soirée d'hier qui a rentré tout de suite. Là, ça nous a aidé à dépasser le 700$ qu'on frôlait. Là. Fait que merci beaucoup à tout le monde. C'est extrêmement apprécié. Puis merci d'avoir fait de ça un succès. Fait que je pense qu'on est pas mal rendu là. On va commencer avec le tirage. On vous gardera pas en ligne trop longtemps. L'heure du souper s'en vient. Puis je veux pas non plus garder Steve trop longtemps. Il doit avoir le goût de retourner chez eux et voir sa fille et Lynn, sa nouvelle vedette qui est à Musique Plus. Oui, ma grande vedette. Je suis coloc d'une vedette. T'es coloc d'une vedette. Saint-Zotique Power. C'est incroyable, on est sans map. Ben, presque. Presque sans map, ouais. Quand tu n'es plus une map, il y a un pli, là, on est dans le pli. On est dans le pli, ouais. Fait que, on va commencer avec le tirage. Je vais vous expliquer ce que j'ai fait. J'ai un fichier Excel avec le nom de chaque participant. Et chaque participant est là selon le nombre d'argent qu'il a donné. Fait qu'à chaque tranche de 5$ que vous avez donné, je vous ai donné une participation. Donc, si vous avez donné, 20$, ben votre nom est là 4 fois, et etc. Là. Vous avez donné 5$, votre nom est là une fois. C'est le site random.org qui va décider des chiffres qui vont être donnés. Tu ne donnes pas les prix avant? Oui, on peut donner les prix avant. C'est vrai, j'allais les donner en même temps, mais oui, je vais les donner avant. Le premier prix... C'est la copie de Deus Ex Human Revolution que ceux qui ont vu a été... je vais la montrer à Steve, parce que Steve l'a probablement pas vu. Non, je l'avais juste vu en photo. C'est la copie qu'on a montrée et que Steve montre présentement sur Ustream, si vous regardez. C'est Waylon, ton chum, là, dans les mains présentement. Je m'en viens! non, mon chien de garde va l'arrêter de sortir de la maison. Mon chien pèse 20 livres en passant. En fait. Il est pas bien ben dangereux. Oui, si tu regardes, Yann, si tu regardes sur Ustream, tu as le feed, il y a l'image là. Qui a fait le logo de CGUAP. Oui, je sais qu'il est poche, c'est moi qui l'ai fait. Puis un petit inside comme ça, il n'était pas supposé être utilisé pour le podcast. Mais on avait préparé toutes nos affaires pour le podcast, puis à la dernière seconde, je me suis dit, ah, j'ai pas de logo, fait que j'ai pris mon logo de test. Il est poche, mais je l'assume. bon, deuxième prix qui a été fourni par Patrick Langlois de Musique Plus avec l'aide de Frank The Tank qui m'a mis en contact avec lui, Warner Music et Simple Plan. C'est l'album de Simple Plan, le dernier. Autographié. Puis on a aussi un poster autographié. Si vous regardez l'image, le poster, il est en gros. Puis le CD, là, vous le voyez juste au-dessus du magazine que la fille lit, couchée sur son lit. Les deux sont autographiés. Fait que le deuxième prix, ça va être ça. Le troisième prix qu'on a, là, j'avais pas les t-shirts avec moi. Sont encore en possession de Denis Talbot. Fait qu'il faut que je passe les chercher cette semaine. C'est Infamous 2 avec Guitar Hero World Tour. Puis on a une carte de 20$ du PSN. PlayStation Network. Du PlayStation Network. Donc vous pouvez rentrer ça puis utiliser ça pour acheter des jeux, la musique, des films. Puis on a aussi, là, si vous voyez la photo poche en arrière, c'est mon excuse pour des t-shirts que j'ai pas. Je les ai recréés exactement le plus proche possible de que je les avais créés quand je les ai commandés sur WordDance. Il y a un t-shirt homme, un t-shirt femme. Le t-shirt femme, c'est celui qui est tout seul en bas parce qu'il y a juste un logo. Le t-shirt homme, il y a le logo de Radio Talbot en avant puis le logo du Z-Unit en arrière. Fait que ces t-shirts-là sont bien ordinaires comme ça, mais ils vont être autographiés par la gang de Radio Talbot et les chefs du Z-Unit. Le dernier prix, ça va être la copie de Alan Wake avec une carte de 2800 points du Xbox Live qui vaut quand même 40$. Puis on a un t-shirt de Dead Rising 2. Fait que ce qui a l'air d'une roulette de duct tape, c'est. Oui, ça a l'air à ça. C'est un t-shirt tout bien scellé. C'est incroyable. C'est ça. C'est la rondelle, là. C'est un t-shirt en tant que tel. Il n'est pas déballé. Je vais laisser la personne qui va le gagner. Je ne sais pas c'est quoi la grandeur. On a-tu idée, Steve, c'est quoi la grandeur du t-shirt? OK. On va espérer que c'est un one size. Sinon, ben, vous connaissez sûrement quelqu'un qui ça va faire. De toute façon, Dead Rising, ils vont être morts, même s'ils portent. Ils vont être C'est ça. Fait que ça a vraiment l'air d'une roulette de tête. Fait que c'est les prix qu'on a. C'est les quatre prix qu'on va tirer aujourd'hui. On va commencer par le premier. Puis on va... Richard a mentionné que c'est une puck shirt. Une puck shirt? Ouais. OK. Fait que... Dart Sim, Dom, il dit qu'il l'a déjà. D'habitude, c'est un large. OK. Merci, Dom, pour l'information, vu que tu l'as déjà. Mais Dom, il a tout chez eux. Je veux dire. Il pourrait s'ouvrir un magasin, presque, ou un... Au moins un musée, selon ça. Ça n'étendrait pas. OK. Pour répondre à Yann qu'on est généreux, en fait, c'est vous qui êtes généreux, là. Oui, c'est ça. Fait que tout ce monde-là qui ont donné ça, je vous remercie parce que à part le jeu que moi j'ai fourni, puis les t-shirts, le restant, ça vient de personnes différentes. GameStop pour les jeux de PS3. Dom, qui est Dart Sim pour les cartes de points. Comme je vous dis, le t-shirt vient de Stereo Plus à Amos. L'album de Simple Plan, ça vient de Simple Plan puis Warner. Puis le jeu Alan Wake, ça vient de Code Grégoire ou Range Duke qui a donné ça. Là. Fait que le restant des prix, c'est vraiment les gens qui ont donné qui fait qu'on a plusieurs prix. Parce qu'au départ, on aurait dû avoir juste le jeu. Fait que je remercie vraiment tout ce monde-là pour pouvoir vous donner plus de prix puis faire plus de gagnants. On va commencer par le premier prix. Je ne veux pas commencer par le dernier parce que je pense qu'on commence par le premier puis on va descendre vers le quatrième. Là. Fait que si vous êtes prêts, hein, j'imagine que le monde sont prêts puis ils doivent avoir hâte de savoir qui va gagner ce prix-là. Je vous dis que si j'ai votre numéro de téléphone. Je vais vous appeler live pour vous dire que vous avez gagné pour le premier prix. Les autres prix, je vais vous nommer. Puis si vous n'êtes pas là live, ben après, quand on va terminer, je vais envoyer des courriels puis des messages sur Twitter si jamais j'ai votre compte Twitter. Mais on commence ça direct là. J'ai juste une personne, c'est vrai. J'ai juste une personne. Vous allez me donner 30 secondes. Là. J'ai oublié de rajouter une personne. Je viens d'y penser. Wow! Hein? C'est vaut mieux tard que jamais. Last call, comme ils disent. C'est toutes importantes. C'est toutes importantes. Tout le monde est important. c'est bien que j'y ai pensé. Tous ceux qui ont pris le temps de me donner de l'argent sont importants. Même les autres aussi, là, mais... Je vais juste marquer ça parce que je sais c'est qui. Sous la surveillance de Deloitte et Descari, exactement. Ouais, en plein ça. Deloitte, Descari et Achou. Oh, ben Achou est en break. Achou est en break, c'est un petit cas. Achou est déprimé parce que personne n'y parle. OK, fait qu'on y va avec ça. Fait que je veux vous mentionner qu'on a quand même 42 personnes différentes. Il y a 42 personnes éligibles qui ont. Faites des dons. C'est pas le nombre de participations totales selon les montants qui ont été donnés. Avant le tirage, j'ai fait ça avec Steve Lévesque, qui est à l'autre bout du fil. On a tiré des chiffres parce que je vous avais dit que Stéphane Dastou des DOS m'avait donné un montant à redistribuer en participation. Ça a été fait avant. On a tiré des chiffres. Moi, j'avais la liste. Steve Lévesque a tiré des chiffres. Et non, Steve ne s'est pas tiré. Donc, c'est pour vous montrer que c'était pas arrangé. Là. Steve ne s'est même pas tiré. Il n'a même pas été capable de se donner une participation de plus. Steve, c'est plate pour toi. Là, mais... Bon, fait que sans plus tarder, on va aller dans le document principal. et on va tirer des chiffres. Donc, Steve, moi, je te donne le contrôle de la souris. Clique sur Generate, puis ça va nous sortir un premier chiffre. J'ai pas de roulement de tambour, rien. C'est ajusté selon ton nombre de personnes? Oui, c'était ajusté selon. Merci, Steve. Vraiment, ton talent d'effet sonore est incroyable. Merci Simon, j'avais oublié de rajouter des personnes, mais ça c'était les participations de plus qu'il y avait pas de rajouter. On fait tirer quoi ça? Là, on fait tirer la copie, je sais pas si tu veux la mettre à l'écran avant qu'on tire, Steve, c'est la copie de Deus Ex Human Revolution, la copie signée. Fait que le numéro qui sort, la personne qui va être qui va avoir son chiffre tiré va gagner la copie de Deus Ex. 1, 2, 3, 4. C'est ça, 1, 2, 3, 4. Je pense que j'ai le chèque. Okay. C'est le contrôle du destin de quelqu'un dans les mains. OK, le numéro qui est sorti, c'est 93. Et le gagnant, j'ai-tu son numéro de téléphone? Laissez-moi le voir dans mon autre document. Non, tu ne le tapes pas. Non? OK, c'est beau, ne tapez pas tout de suite. Je veux pouvoir l'appeler. Si j'ai son numéro de téléphone, je vais pouvoir l'appeler. Et oui, on a un numéro de téléphone. Oh. Alors, j'espère qu'il est à la maison. Puis j'espère que je vais savoir comment faire une conférence. OK. Non? Pascal? Oui. OK. Je peux-tu faire ça? Là, excusez-moi, là, j'apprends à faire ça en même temps que... Ça s'appelle du suspense en même temps. Correct. Fait que restez proche de votre téléphone. Parce que je vais appeler quelqu'un. Je ne sais même pas si cette personne-là est présentement en ligne, en train d'écouter. Mais on va le savoir. OK. Et on appelle. Du moins, j'espère. Hein? OK. Steve, ça marche pas. Si je t'envoie le numéro, t'es-tu capable de faire de quoi pour nous sortir de ce trou-là? Je te redonnerai quelque chose pour tes minutes Skype. C'est, la technologie, c'est ça. Fait que je vais t'envoyer un DM, ça va prendre 30 secondes. Et voici le numéro, Steve. Désolé tout le monde. Tu devrais chanter en attendant, Luc. Non, c'est beau. ce qu'on peut voir, c'est même hier Radio. Oui, à essayer de m'appeler en plus. Tu me diras quand tu le pourras le. Parfait. Bon signe. Oui, allô? Patrick? Oui? Oui, c'est Luc de C'est juste un autre podcast, ça va? Ben oui, j'avais un gros doute, c'est toi. Je t'écoutais live. J'imagine que t'étais à l'air sur le stream? Ben oui. Ben félicitations, mon homme, parce que c'est toi qui gagne la copie de Deus Ex. Félicitations. Cool. Je sors juste avant d'une petite session de Deus Ex cet après-midi. Ah ouais? T'es en train de jouer? Ouais, je l'avais sur Xbox. Ah, c'est bon. Fait que là, tu vas l'avoir sur PC, mais celle-là est signée. Moi, je la garderais sur une tablette, mais si tu veux l'ouvrir, il y a tout dedans pour la jouer. Ben certainement, c'est une version très spéciale. Oui, ouais, elle est vraiment belle. Là. Je la garderais bien, mais il faut que je la donne. Fait que... puis parenthèse, je suis allé chez Eidos faire signer ce copie-là, puis pendant tout ce temps-là, la mienne était dans mon pack-sac, puis quand je suis sorti de chez Eidos, c'est à la rue de Maison-là, je me suis dit « Hey, j'ai pas fait signer la mienne. » C'est bon. Fait que... Ben oui, tu étais là. Ouais, puis j'étais là en plus, fait que... Mais faut que j'y retourne, je vais essayer de m'arranger avec Stéphane Dastou. Message, si j'ai oublié. Fait que félicitations, je vais t'envoyer ça le plus tôt possible. Si tout va bien, je vais te mettre ça dans le courrier cette semaine. Tu devrais recevoir ça, ben, cette semaine, lundi, là, puis tu devrais recevoir ça au courant de la semaine si tout va bien. Cool. Hey, merci, gars, faites une super bonne job. Ben, encore bravo, merci à toi pour ton don. Merci à toi pour ton don, puis ben, j'espère que tu vas t'amuser. Elle est vraiment, vraiment belle. Cool, merci. Merci à toi. OK. Bye. Ça me donne le goût d'essayer un shooter. Bon. Eh bien, merci, monsieur Lévesque. Bon, fait que c'était notre premier gagnant. J'espère que vous n'êtes pas trop déçus. Mais on va continuer avec les autres prix. On a quand même trois autres prix qui ont beaucoup, beaucoup d'allure. Pour les autres, par exemple, je vous appellerai pas. Ça aurait été le fun quand même, mais ça cause un peu de problèmes parce que ça a l'air un peu plus compliqué que je pensais. On va tirer les chiffres, puis on va vous nommer live. Puis si vous n'êtes pas là sur le chat, ben on va de toute façon je vais vous envoyer un email ou je vais vous contacter par Twitter. Fait que Steve, encore, mon Deloitte et touche. Je te laisse le contrôle de la souris. Ça va exploser, c'est sûr. Ah, c'est sûr, sûr. Fait que là, c'est l'album de Simple Plan qu'on fait tirer avec le poster. Et c'est le numéro 17. Numéro 17 qui est Monsieur Cédric Barbès. Cédric, c'est un gars, si je me rappelle bien, c'est un gars de Réseau Gamer. Alors, Cédric, je ne sais pas si tu es sur le chat, sinon, je vais te contacter par courriel. Puis, de toute façon, j'ai toutes vos informations à cause de PayPal, j'ai vos adresses, je sais où vous envoyez ça, mais je vais confirmer pour être sûr que l'adresse PayPal est la bonne pour vous. Donc, Cédric, bravo, l'album de Simple Plan, puis le poster. Maintenant, on va passer au troisième prix, qui est Infamous 2, Guitar Hero World Tour, le jeu seulement. Attendez-vous pas à recevoir une guitare par la poste. Je suis bien content parce que le prix du shipping aurait été assez élevé. Une carte de 20$ du PlayStation Network, puis les t-shirts. La personne qui va gagner ça, il va falloir juste que vous soyez patient, par exemple. J'ai pas encore reçu les cartes par la poste. Je sais que Dom les a envoyés, mais Post Canada s'est trompé à quelque part, puis ils les ont retournés, ils les ont réenvoyés. Puis les t-shirts, ben, faut que j'aille les chercher, c'est Denis encore qui les a. Je vais aller les chercher au courant de la semaine, donc fin de la semaine ou début de la semaine prochaine, je vais vous envoyer ça, là, mais ou, craignez pas. Ou bien ma blonde t'es amènera, tu sais, à travailler avec. Ou, hein. Un gars fier, c'est un gars fier. Fait que tu peux nous tirer un autre chiffre. S'il vous plaît. S'il te plaît, je pense que la souris est dans l'autre écran. Ça, ça va super bien. C'est le fun d'avoir deux écrans. Ouais, ça fuck. Ça mélange un peu. J'ai pas de problème. C'est Otari qui a dit. Excusez-moi. Et maintenant, le numéro, c'est 82. On s'en va en bas de la page. Hop. 82. OK. C'est 82. C'est Madame Lisette Simoneau. Madame Simoneau, j'ai votre adresse courriel. Je ne sais pas si vous êtes live pour savoir si vous avez gagné. Mais je vais communiquer avec vous. Donc, t-shirt, jeu de PS3 puis une carte de 20$ du PlayStation Network. Fait que c'est le dernier prix. Fait que je vous souhaite encore à tous de gagner. Ça va être notre dernier prix qu'on va faire tirer aujourd'hui. Steve, encore, je te donne la souris. J'ai tellement de responsabilités, ça me fait mal. Ben, oh, gars, c'est pas moi qui touche à la souris. C'est parfait. Numéro 96. Ah, OK. 96, on va retirer un autre chiffre parce que c'est une personne qui a déjà gagné. Ça tombe bien, mais je veux qu'il y ait quatre personnes gagnantes différentes. On va à 106. Monsieur Jean-Benoît Charon. Fait que Jean-Benoît, c'est toi qui remportes Alan Wake avec le t-shirt de Dead Rising et la carte de 2800 points du Xbox Live. Fait que malheureusement, on a plus de prix. Jean-Benoît Charon. Fait que j'espère que vous êtes pas déçu si vous n'avez pas gagné. Dites-vous au moins que l'argent que vous avez donné, si vous n'avez pas gagné de prix, au moins ça s'en va à une bonne place. Ça va être donné à l'UQAM. Moi, je vais préparer le chèque cette semaine. Je vais le renvoyer. Puis aussitôt que je vais avoir une confirmation de reçu, comme quoi qu'ils ont reçu mon don, ils vont m'envoyer une confirmation. Puis je vais la poster sur Twitter. Puis je vais la mettre sur le site du cguap.com. Là. Pour vous montrer que vraiment le don a été fait. Fait que c'est pas mal ça qu'on avait à vous présenter pour aujourd'hui. J'espère que ça n'a pas été trop pénible. Je sais que ça a peut-être été un peu broche à foin, mais au moins ça s'est fait. Hein? Moi, j'ai trouvé ça professionnel. Ah, OK. Bon, t'es fin. Moi, je suis... Le chèque est normal. Well, arrête! J'avais de côté, arrête! Mais c'est pas vrai, je dis ça, mais j'ai pas une scène. Ah, bon. Mais, fait que c'est ça. Je vous remercie beaucoup ceux qui ont été sur le chat. Je ne sais pas si vous avez des questions ou des commentaires. On peut prendre 2-3 minutes de questions, de commentaires sur le chat si vous avez quelque chose à demander ou quelque chose à dire. On peut toujours faire ça, puis après ça, bon, on va fermer le show. On va laisser tout le monde aller souper, dont Steve ici. Il te paye-tu le gaz? Ben, il est venu à pied. Fait que c'est ça peut être difficile, Lynn, mais non, pas tout. Je suis venu en paresseux, je suis venu en auto. Tu vas toujours en avant? Oui, c'est ça. Il y a Yann qui me remercie pour l'initiative. Merci Yann, mais une affaire qu'il faut vraiment que je mentionne, là, puis même, je l'ai dit à Denis Talbot, puis Denis Talbot me le retourne toujours en disant « Oui, mais c'est toi qui as parti ça. » Si Denis avait dit non, ça aurait fini drette là. Ça ne se serait pas passé. Fait, oui, j'ai eu l'idée de partir ça, mais sans Stéphane Dastou puis sans Denis Talbot, ça aurait arrêté là, puis il n'y aurait rien que ça serait passé. Fait que vraiment, merci à eux autres. Puis, je vous dis, ceux qui n'ont jamais eu la chance de rencontrer Denis Talbot en personne, il est pareil comme il est à la télévision. C'est vraiment un gars super sympathique. C'est pas un air qui se donne à la TV, là. Il est comme ça pour de vrai. Là. Ah oui, il est en HD? Il est en HD aussi quand je le vois, ouais. Ça a l'air qu'il a bien vieilli aussi. Ah oui, c'est ce que j'ai entendu. Il y a du monde qui dit ça, là. Je sais pas. Je l'ai pas connu vraiment le plus longtemps. Je l'ai connu il y a une couple de semaines. Mais ça a l'air que le monde dit qu'il a bien vieilli. Il va être content d'entendre. OK. Il est super cool en vrai. Ouais, il est super cool en vrai, c'est ça. Fait que je sais pas si vous avez d'autres choses. Sinon, ben nous, on va mettre fin à cette courte, ben, semi-courte émission. Ça a quand même duré quasiment une demi-heure. Pour ceux qui aimeraient réentendre ça, je sais pas pourquoi, là, mais je vais l'éditer, puis je vais l'attacher au prochain podcast à la fin, fait que vous pourrez réentendre si vous avez gagné, vous voulez garder ou ça. Ou le skipper. Ou le skipper si vous voulez pas. C'est pour ça que je vais le mettre à la fin. Fait qu'à la fin du podcast, on va l'annoncer que ça va être ça qui va jouer. Si vous voulez pas l'écouter, vous arrêtez. Si vous voulez pas écouter le podcast, c'est correct aussi, là, je veux dire. On est ouvert à tout. Fait que merci beaucoup à tous. Puis peut-être à la prochaine, si jamais il y a une autre occasion qui se représente, puis vous aimez, vous avez aimé ça, puis vous êtes prête à réembarquer, laissez-le moi savoir. Peut-être l'année prochaine, dans 2 ans, on refera peut-être quelque chose, s'il y a quelque chose d'autre qui s'en vient. Il y a Thief Cap qui s'en vient des DOS, puis il y a des rumeurs que peut-être Denis va refaire le making-of, fait que ça serait le même genre de choses qu'on pourrait faire pour un tirage, une édition de collection signée avec... Avec tout le monde d'Eidos, tout le monde de Denis Talbot. On va voir ce que ça va donner. Mais imagine si les gagnants d'aujourd'hui en parlent à d'autres mondes, puis si tu fais une autre levée de fonds, ça va juste te faire plus de monde. Ouais. C'est ça. Fait que j'espère que vous avez apprécié. Moi, je vous remercie beaucoup. Je vous remercierai jamais assez. C'est vous autres qui avez fait que c'est un succès. 715$, j'aurais jamais pensé me rendre là. Fait que c'est grâce à votre participation, la participation de la gang de Mike Gamer, Weekend des Gamers, qui m'a aidé à publiciser la chose. Épée légendaire, Max Tremblay, qui m'a aidé aussi avec ça. Denis Talbot et DOS Montréal. Fait que là-dessus, je vous dis merci. Merci à Steve aussi. Merci à Steve. Merci à Steve Lévesque d'avoir roulé la patente. Tu m'as vraiment sauvé parce que je pense pas que j'aurais été capable de rouler tout ça en même temps. Je me serais vraiment perdu. Fait que j'espère qu'on va se retrouver bientôt. Fait que je vous dis à la prochaine. Au revoir. Bye. Fait qu'aujourd'hui, on est avec Dave Hardy. Dave, c'est le gagnant ou la personne qui a bidé le plus haut pour l'enchère du billet pour la soirée chez Doucex, pour le lancement de Doucex Human Revolution. Salut Dave! Bonjour, bonjour! Ça va bien? Ça va bien, toi? Bien oui, ça va très bien. Fait que Dave, félicitations et merci beaucoup pour ton don. Merci, ça me plaisait. Parce que ça s'en va quand même un don pour le camp, même si c'était un enchère. Fait que Dave, comment ça s'est passé ta soirée chez EDOS? Ça s'est super bien passé. Premièrement, j'étais content d'y aller. Puis pour moi, je trouve que le prix n'a pas beaucoup augmenté des billets, fait que j'étais quand même content. Puis comme tel, la soirée, c'était champagne à volonté. C'était 4 consommations d'alcool par personne. Puis c'était super inclus, fait que... Okay. C'est ça pour la soirée, c'était quelque chose de beau, là. C'était quelque chose vraiment, c'était complet. Là. J'ai rencontré tous les gars de Monsieur Net, j'ai rencontré Stéphane, David. Moi-même, quand je suis allé voir Denis Talbot mercredi passé, le 31 août, il m'a dit qu'il t'avait rencontré puis que tu étais super sympathique. C'est Tristan m'avait donné ce commentaire. Cool. C'est toujours le fun à entendre. Ouais. OK, puis ça s'est passé où? T'as-tu été au studio d'EDOS en premier, puis après ça, c'était au Terrasse Bon Secours, je me rappelle bien. C'était-tu les deux places ou c'était vraiment juste au Terrasse Bon Secours pour vous autres? Non, moi, j'ai seulement été au Terrasse Bon Secours, là. OK. C'est ça, j'avais été me promener au Vieux-Port avant, puis après, j'étais au Terrasse Bon Secours, là. OK, fait que t'as réussi à rencontrer, j'imagine, Stéphane Dastou, David Anfossi, puis toute cette gang-là aussi? Ouais, j'ai rencontré pas mal tous les directeurs, là, artistiques et tout. Ils ont tous signé ma copie de deux sexes, là. OK. Fait que si tu gagnes samedi, tu vas avoir deux copies signées. Ouais, je sais pas ce que je vais faire avec l'autre copie, là. C'est ça, j'ai pas besoin de deux copies, là. T'as-tu fait signer ta copie par Denis Talbot aussi? Ouais, Denis Talbot l'a signé, ouais. OK, ouais, c'est ça, il est quand même... Puis tu l'as rencontré, j'imagine, t'as trouvé comme moi que c'est un gars super sympathique. Ah ouais, ben toute la gang, j'y connaissais un peu, là, par Twitter, puis j'ai déjà rencontré Ben à mon travail. OK. C'est déjà pas mal la gang, fait que non, c'est ça, c'était des gens bien sympathiques, là, vraiment... Ouais, c'est ça. OK. Puis ça s'est terminé à quelle heure? Moi, je suis pas parti tard. Finalement, j'étais avec ma copine. OK. J'ai allé avec des gamers ou des gens qui connaissaient ça un peu, mais finalement, ça a été avec ma copine. J'ai les billets, puis c'était pas mal proche. Hein. Mm-hmm. Fait qu'on n'est pas parti trop tard. Là, comme tel, le monde du jeu vidéo, c'était pas son pas. Fait que là, il paraît que la soirée s'est finie bien tard, mais nous, on est parti, il devait être 8-9 heures. OK. Fait que là, t'as assisté l'enregistrement de Monsieur Net sur place, j'imagine? Ouais, j'ai assisté à l'enregistrement live. Puis après ça, ils vous ont fait jouer le making of directement là, j'imagine, sur des télévisions. Vous avez pu regarder ça? Ouais. Comment se trouvait ça, le making of? Ah, c'était vraiment bon, non. C'était un bon making of, là. Non, c'était bien. Ouais, moi, je n'aurais pris plus, là. J'ai regardé deux fois à date, puis il me semble que j'aurais pris une autre petite demi-heure tellement que c'est bon, là. Ouais. Mais c'est ton premier making of. J'imagine le prochain jeu, ça va être encore plus long, là, justement, parce qu'ils voient ce que ça peut donner. Là. Ouais, mais ça, mais selon ce qu'ils ont dit, je pense que c'est même cette soirée-là qu'ils ont parlé que Denis avait signé pour faire le making of pour Thief 4 ou quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça. Ben, il disait comme si c'était juste. Il ne pouvait pas le dire, mais ça fait longtemps que c'était annoncé Thief 4 là, sur Internet, que c'était à Montréal. Là. Ouais, c'est ça. Ouais, j'imagine qu'ils vont faire un autre making of. J'ai pas de la misère à croire. Non, moi je pense que Denis a fait une bonne job pour ça. Ouais. Puis fait que finalement, t'as pas été visiter les studios de EDOS. T'as été au Terrasse Bon Secours. Ouais. OK, c'est beau. Parce que je sais que les journalistes allaient chez EDOS en premier, je pense. Puis là, après ça, ils allaient au Terrasse Bon Secours. La copie que t'as fait signer, c'est une copie que t'avais achetée ou c'est une copie qu'ils vous ont donnée sur place là-bas? C'est une copie que j'ai achetée. Il n'y avait aucune copie du jeu sur place. Même les gars qui travaillent pour EDOS, ils attendaient leur copie par la mail de la main qui parlait autour de moi. OK. Ah, il était pas arrivé encore. C'est ça, c'est des copies, ouais. OK. Puis ça serait recommencé, tu recommencerais-tu? Tu repayerais-tu un autre... ça t'a coûté 100, quand même 111$, elle est là, tu recommencerais-tu? Ah non. C'est sûr, je recommencerais. Là. Comme je te dis, il y avait soufflé alcool et tout, fait que c'est pas cher pour tout ce qu'il y avait. Là. Fait que non, j'ai aucun problème là, avec ça. C'est une bonne soirée, puis il faisait beau en plus. Ouais, il faisait très beau. Ouais, puis tu vas pouvoir dire qu'une fois, au moins une fois dans ta vie, t'es allé dans un vrai lancement de jeu vidéo. Ben ouais. quelque chose de gros à part de ça. Ouais. Pour un gros jeu en plus, c'est ça, pas n'importe quel jeu. Non, c'est ça. C'est le hype a été assez gros sur surtout ici, mais je pense même à travers le monde, là, le hype est quand même assez a quand même été assez élevé. Ouais. Puis le jeu vend bien, le jeu a des bonnes cotes. Fait que on espère pour Eda, ça va être la même chose pour le prochain. Parce que c'est une gang vraiment sympathique. Pour avoir fait le tour du studio, pour avoir fait signer la copie que je fais tirer samedi, là. C'est tous des gars super sympathiques. Ils ont tous pris du temps pour me parler puis pour signer la copie puis tout ça. Là. C'est vraiment des gens assez incroyables. Là. Ouais. Non, puis moi aussi sur place, je trouve ça impressionnant. C'est tout vraiment des Québécois de 30-40 ans. Ça parle tout français et tout. C'est vraiment pas. C'était vraiment. Je pensais qu'il y aurait la moitié, trois quarts des gens qui viendraient d'ailleurs qui feraient des anglais, mais non, c'est vraiment. C'est un produit d'ici, là, 100% québécois. Là. Ouais. Non, il y a juste deux personnes qui... une personne qui parlait pas français que j'ai rencontrée, c'est celle qui a écrit le script, la dame qui a écrit le script. Puis il y avait le gars qui a fait la musique qui parle français, mais tu vois qu'il est plus anglophone, mais il parle très bien français. Là. C'est les deux seules personnes que j'ai remarquées qui n'étaient pas vraiment francophones. Les autres, c'est presque tout du monde d'ici, là, des Québécois français là, qui travaillent sur le jeu. Ouais. C'est assez bien. T'as-tu joué au jeu? T'as-tu commencé à jouer? Mais non, j'ai joué. Je l'ai fini en une semaine de temps, mais j'étais plus capable d'arrêter. Là. OK. Tu vois, moi, je l'ai commencé, puis je l'ai pas terminé. Là. Même que je commence à jouer, je suis même pas rendu loin. Je pense que je suis dans la première émission. Ah. Puis tu joues pas Rambo, hein? Non, c'est ça. Moi, je l'ai fait shooter, mais faut que tu augmentes tes capacités et tout. Là. Fait que vraiment. Non, c'était vraiment intéressant. Je suis vraiment. Ouais, non, le gameplay est le fun, l'histoire est le fun, puis en tout cas, c'est un beau succès pour un studio de Montréal. Ouais, non, vraiment, ouais. Bon, ben c'est beau. Fait que je te remercie beaucoup d'avoir pris le petit quelques minutes pour jaser de ton expérience là-bas. T'as-tu des choses que tu veux ajouter? Adlib? Non, je voulais juste dire que moi, le concours, je trouve ça super cool, ton initiative, là. Puis je t'avais entendu aussi à Mike Gamer, justement, tu disais pourquoi tu fais le concours là, face à ton fils et tout. Ouais. Non, je trouve ça super cool. C'est vrai que tu avais une super bonne idée. Ben, merci beaucoup. On va voir si ça va être recommencé dans le futur. On va voir s'il y a des. Comme je disais à Denis Talbot, puis comme je disais à Stéphane Destou, c'est que les étoiles se sont vraiment alignées. Les astres se sont alignés pour que je fasse ça. C'est que le jeu sortait. Le making-of est fait par Denis Talbot, qui est un gars de Montréal. Le jeu est entièrement fait à Montréal. Je veux dire. C'était tout était là pour que ça puisse se faire. Puis en plus, ben, j'ai pogné du monde extraordinaire qui ont décidé d'embarquer puis de m'aider là-dedans. Fait que je veux dire, je pouvais pas demander mieux. Là. Quand j'ai parti ça, je pensais pas que ça montrait tant que ça. Puis garde, je veux dire, ça a devenu vraiment, vraiment plus gros que je pensais. Puis je suis bien, bien content de ça. Puis je remercie tout le monde. Là. Et toi inclus. Merci. Fait que je te souhaite bonne chance pour le concours de samedi parce que toi. T'as aussi participé pour gagner la copie. Ouais. Puis, mais si au pire, si tu gagnes pas le jeu, il y a d'autres prix secondaires. Ouais, je veux gagner le prix 3 et 4. Le 3 et 4. Ben là, il faut être contente de un des deux au pire. Mais il y a le prix 2 qui est l'album de Simple Plan puis le poster. Puis le 3 et 4 qui a des t-shirts, des choses comme ça. Là. Fait que on va voir. Je te souhaite bonne chance. Je souhaite bonne chance à tout le monde aussi. J'aimerais ça que tout le monde puisse gagner. Mais malheureusement, j'ai juste 4 prix à donner. Ouais, mais c'est ça, t'as beaucoup, beaucoup de prix, là. T'as une Famous 2, t'as plein de choses intéressantes, je trouve. Ouais, c'est assez intéressant. C'est assez intéressant. Il y a beaucoup de monde qui ont embarqué puis qui ont donné des choses, parce qu'au début, moi, c'était juste la copie de Doucex que je faisais tirer, puis il y a des choses qui se sont rajoutées grâce aux gens qui m'ont aidé. On va prendre le temps de toutes les remercier, là, sur le tirage de samedi. Cool. Fait que je te remercie beaucoup, Dave. Ben, merci à toi. OK. Bye-bye, bonne journée. Bye, toi aussi.